Quatrième fragment, Galerie de l'Arlequin. Le soir du 10 mai 81, entendu depuis le 8e niveau du 150. Cette victoire est d'abord celle des forces de la jeunesse, des forces du...